C'est vite, vite, vite. C'est pas où je vais, faut que je vise, vise. Et pour la gloire sur mon mise, mise. Et dans ma tête, j'entends signe, signe. Mais les rapports ne sont pas dignes, dignes. Ne sont pas dignes. J'en ai eu un, puis deux, puis trois, puis quatre. Prête à tout, même à se battre. J'ai pris du recul. J'aime pas qu'on me bouscule. Et puis c'est contrat sur contrat sur contrat, oui. Ma vie est assez dure pour qu'on me contrarie. Mais ça c'est romanique. Je voulais juste oublier que mes bagages sont pliés. Supporte, mais j'ai du buzz, buzz. Et je voulais me tailler. Un peu partout, j'ai vagabondé. J'ai pas charbonné pour qu'un petit que mais vienne tout piller. Vienne tout piller, je suis dans un tourbillon où je ne veux pas que nous nous allions. Hey, j'ai assez d'alliés dans de la musique et c'est les plus vaillants. Je voulais juste oublier que mes bagages sont pillés. Dans leur vie, je les ai.